Big Bacardi, Bacardi. This is la peste. Ghetto ghetto, Ruff. Et tu le sais. Win, rap de barbare. Ghetto ghetto, et ouais, tu le sais. Ouais, ouais. Même sans dents, mon cri est sanglant, le tien est sanglant et fat comme un clito sans goût. Ma clique pas sans gars, jusqu'à te cingler, scindé par un rap barbare. Ouais. Tu d'enfoiré, ouais, t'as capté, c'est pas un single, mais j'ai mis le rap en cloque. J'ai plein de bâtards qui se baladent à poil et claquent du cul et sont sous choc. Quand leur dit votre père a mis en chien, notre instru. Si c'est à chaque 16 que je sors, je prévois une équipe blanc pour les sucer. À ce qu'on dit, la plupart des rappeurs se prennent pour des mauvais garçons. En ce qui me concerne, mélange pas les strings et les caleçons. C'est pas du rap de merde, je suis pas un BD, je rappe pour ceux qui se démerdent. J'encule les condés, parcours sans faute. Si le rap c'était du foot, je marque des beaux buts. Même si les radios s'en foutent, c'est mon vécu, te fais chier dessus. Achète du PQ, t'avises pas de me crier dessus. Ou je te rentre ta tête dans ton cul. Si tu veux me prouver que t'es un hoche, mais moi je m'en bats les couilles. Si je réponds pas à tes vieux tests, bah tu vas croire que je mouille. Je pète les plombs avec ces petits PD. Toujours quelque chose à prouver, cherche toujours à te montrer. Ton quartier c'est le plus cramé. Putain, t'as rien dans le crâne, c'est moi que tu traites de crâneur. Je m'embrouille même pas avec toi, t'es pas content, nique ta mère. T'as ta bande, bah c'est super, sache que t'es dans la merde. Je suis du bon côté, seul Dieu comme bodyguard. C'est Gwen Bouddha sur la bande son. J'ai kidnappé le micro mais je réclame pas de rançon. Juste que Pascal donne une chance à ma chanson. Et que Jean-Luc pose à ma caille, sur moi elle a des soupçons. Ma vie est dissolue, j'en suis le premier désolé. C'est décevant, mais rien n'a jamais pu me raisonner. La raison est, dans le fond je pense qu'à délirer. Chez moi on décelé, dès l'enfance l'esprit déluré. C'est pas le flag qui tue mais le mec qui tire. À fond sur des boomers, ton crooner. On pose des bombes sur le beat pour faire bander. Même ton chum qui a pas de chat. Ma gauche t'envoie le stoma, droite au cimetière. Oh, tu mets une carotte, hein, je te mets une courgette. Au pays de la musique, on est des clandés. J'parle pas de la bouche, mais sur la touche, touche ta touche, mec. Ta chatte est sèche, ce maxi, faut que tu le saches, tu l'achètes. Sexe, c'est d'ici la peste, avec Peter, on fait Gwen. J'entends des rappeurs qui queen, les PD se poussent comme en queen. C'est de dire en y pensant ce que tout le monde dit sans le penser. Je vous emmerde tout, je ne pas le penser. Pas de pansement sur les blessures, que ma bise vous bénisse et j'emmerde la censure. Ce qui m'appartient, la hache de Tyson y contient. Avec la haine de Vegeta, gros, je l'entretiens. Si tu veux test, viens, sale chien, je te prends en mot. Moi, je te nique comme un homo, c'était connu, ça fera la promo. J'écris des crimes, rage des rimes crues sur le chrome. Des gens crèchent dans la rue et d'autres crèvent dans le trône. Être drôle, c'est pas notre rôle, dans le crâne, y'a trop de drames. Mission suicide à l'assaut, du rire, tu passes aux larmes. C'est pas le flag qui tue, mais le mec qui tire. À fond sur des boomers, ton crooner. On pose des bombes sur le beat pour faire bander. Même ton gun qui a pas de chat. Ma gauche t'envoie le stoma, droite au cimetière. Oh, tu mets une carotte, hein, je te mets une courgette. Au pays de la musique, on est des clandés. Je te laisse dans le cul du rap, t'inquiète, tu sortiras un jour. Tu t'es de la merde, mais en pompant, mon rap pimpant, tu seras toujours infect. Tu veux du rap, y'a PC. Quand y'a PC, ça fait rock, car c'est barbare. Quand c'est barbare, c'est qu'il y a la guerre. Quand y'a la guerre, y'a Bacardi. Et Bacardi, c'est le cataclysme. Et à chaque nouveau lyrics, c'est un nouveau séisme. N'est pas le meilleur qui le croit, mais qui le sait, enfoiré. Je sais maintenant pourquoi, y'a comment tu crois. Rap de barbare, les chicots bien insérés pour les morts. Rap de barbare, des violentes idées pour remettre de l'ordre. Rap de barbare, la force pour les torts. Rap de barbare, s'ils s'attendent à ce que je sois tendre, ils vont m'entendre. Rap de barbare, sauvage comme Conan le barbare. La frange, je lui mettrai une peupard, après je me barre. C'est pas des bobards, protège ta meuf ou je la débobarde. Jamais alright, des phrases bien lourdes qui rendent ton flow light. Les flics tabassent mes frères, le truc fracasse mes pères. Que faire du mix, sinon un schlass, un revolver. Des mots chargés sur le papier, comme des balles dans un barillet. Pour une rafale, je me fais pas briller. J'aime pas crier, muni d'un silencieux bien vicieux. Quand j'ouvre le feu, je suis pas grillé, brillé. Quand je suis dans la place, c'est pas mon souci. Je rappe pour les secondes classes, ceux qui vivent de 2 francs 6. Rap de barbare, pas trop correct. Je fais pas trop les choses en règle. Je viens au mauvais moment, comme quand t'as raté ses règles. This is rap vulgaire, c'est pas trop des chants vulgaires. Dans ce texte, rien à dire, donc viens pas ton pompette d'art. Quand je rappe, même le manche qui a pas de brass band. Même ta femme qui a pas de beatband. Tu connais les chansons, même ton cum qui a pas de chatmouille. Ça c'est la compilation. Ça c'est la compilation. Ça c'est la compilation. Rap de barbare, c'est pas le flag qui tue, mais le mec qui tire. Rap de barbare, à fond sur des boomers, ton crooner. On pose des bombes sur le beat pour faire bander. Même ton gun qui a pas de chat. Ma gauche t'envoie le stoma, droite au cimetière. Oh, tu mets une carotte, hein, je te mets une courgette. Au pays de la musique, on est des clandés. Joseph.